Alice, Fuentes de Santander. En gravissant sur notre terre, nous avons également vu, sous l'éclat d'un firmament ensanglanté, des centaines d'hommes et de femmes aux torses brisés par les peines du monde. Mais ta constance n'a jamais été d'argile, le mer sur tes épaules fragiles comme l'herbe. Tu as supporté nos regards perdus pour nous conduire d'une rive à l'autre. Alors tu comprenais que les années à venir ne se dérouleraient plus sur les eaux tranquilles, que notre père contenait au rythme de tes bras, non pas sur Charala, faisait déjà partie du passé. Jusqu'alors nous connaissions à peine tes douleurs, ta patience à construire une famille, tes soins. Nous savions peu de l'immensité de ton amour, capable de nous maintenir à flot dans cette mer la plus tumultueuse. Il eut tant de naufrages, tant de chutes, que tes mains évitèrent d'un matin à l'autre. Sans ta constance, jamais nous ne serions ce que nous sommes aujourd'hui. Sans elle, jamais nous n'aurions traversé les abîmes. Alice, celle qui protège et aide les démunis, si Alexandre le Grand détruisait famille et cité, toi tu protégeais Francisco, Yolanda, Mireia, Amira, Alix, José, Béatrice, Noël les plus délaissés. Et tu insufflais du courage à Flavio, à Ramon, à Mercedes, à Olga, les plus solitaires, que tu as également un jour salué, résigné à ta veuvage sur des autels couronnés pour que ton sang parcourt les versants du monde. Ainsi tu as vaincu tes peines une à une, sans célébration. Depuis le corps exhumé de ton frère tourmenté jusqu'à l'adieu à notre père la nuit de Noël, tu entendras encore le cristal de son cercueil brisé contre le monde. À 80 ans, tu préserves chacun de tes enfants, que ce soit l'occasion de célébrer tant de victoires, que ce soit l'occasion pour que tes expériences illuminent et illuminent les batailles de générations plus sereines. Plus sereine. Plus sereine. Plus sereine. Plus sereine. Plus sereine. À 80 ans, tu préserves chacun de tes enfants. Que ce soit l'occasion de célébrer tant de victoires. Que ce soit l'occasion pour que tes expériences illuminent les batailles de générations plus sereines.